Et donc, Michael, Bruno. Tu travailles donc au J'aime Grignou. Cette atmosphère d'intimité comme ça. Michael, tu travailles donc au Grignou. Là, oui. Et tu t'es venu l'année passée nous parler de toutes les nombreuses activités qu'il y avait eu et qu'il y allait avoir. Donc Rebelote, cette année, comme je le disais, d'entrée de jeu. Évidemment, question un peu vague, un peu casse-gueule, un peu bateau, mais finalement, est-ce que la saison, puisque nous on parle en termes d'année scolaire, saison 2006-2007 a été fructueuse pour les Grignoux? Fructueuse en plusieurs manières. En termes de fréquentation, on n'a pas augmenté. Je pense qu'on est resté sensiblement au même chiffre que l'année précédente, alors que dans d'autres cinémas, la chute est beaucoup plus forte ou la croissance est beaucoup plus faible. Donc pour ça, on se maintient et pour nous, c'est très très bien. D'un point de vue scolaire, je vais être complet, hein, d'un point de vue scolaire, donc toutes les séances en matinée scolaire qu'on fait durant toute l'année, ça c'est en augmentation. Maintenant, en termes, je vais dire, d'animation, je parle pas ici du nombre de films qu'on met à l'affiche, mais de toutes les animations qu'on fait autour des films, que ce soit des avant-premières, des débats, des ciné-clubs, etc. Là, on est en évolution exponentielle, je vais dire, depuis quelques années, qui fait que à l'heure actuelle, on est obligé de mettre la pédale douce jusqu'à l'ouverture des nouvelles salles, quoi. Mais la saison écoulée a vu une augmentation assez sensible de ces soirées spéciales. Des augmentations dues à votre propre initiative ou c'est parce que vous êtes sollicité par l'association? Les deux. À notre propre initiative, parce que on est quand même à la base, on sait les films qui vont arriver dans quelques semaines, dans quelques mois, et donc on peut prendre les devants, on peut essayer d'appeler des associations pour leur proposer de faire les avant-premières. C'est vrai que les distributeurs de films sont assez contents du travail de promotion qu'on fait, et donc quand ils font venir des invités pour une rencontre presse, en règle générale, les invités terminent la journée à Liège pour une avant-première. Il ne faut même pas d'avant-première à Bruxelles. Donc là, il y a une confiance accrue de la part des distributeurs, même des nouveaux distributeurs, des petits distributeurs. Il y a de plus en plus de demandes de partenaires extérieurs, que ce soit des cercles universitaires, que ce soit des associations type ONG, UNICEF, Amnesty International ou d'autres petites, ou bien même des demandes politiques. Je pense à Véronique de Keyser, par exemple, régulièrement. Véronique de Keyser, elle est chef de groupe PS au Parlement européen. Elle vient régulièrement nous proposer des soirées autour de certains films. Donc, pour nous, c'est aussi une reconnaissance de notre travail que de voir que les personnes extérieures aiment venir chez nous pour avoir une caisse de résonance, pour bien faire passer leur message. Et ce qui est évidemment réjouissant, c'est que non seulement en amont, d'une certaine manière, vous êtes très sollicité, mais en aval, tous ces événements attirent le public. C'est pas juste des soirées spéciales ou qui attirent quelques happy few ou un public très très restreint. Je pense que la plupart du temps, vous faites ça le comble pour des sujets parfois pas aussi évidents que ça. Ben oui, c'est ça. Il y a un constat que nous on fait, mais je vais dire tous les jours ou toutes les semaines, c'est que à l'heure actuelle, le cinéma, pour le défendre, il faut qu'on accompagne les films. Il faut amener quelque chose en plus au film. On ne peut plus simplement, pour reprendre une expression d'un de mes boss, jeter la péloche sur l'écran pour faire venir le spectateur. Le spectateur, il a besoin d'autre chose. Et donc, lui offrir l'opportunité de rencontrer un invité, un producteur, un réalisateur, un acteur, de partager des idées, de se construire en tant que citoyen, ben c'est quelque chose qui attire beaucoup. Et il est clair que en faisant ce genre de séance, il y a parfois des films qu'on ne fait qu'une seule projection, mais qu'il y a des débats après. Mais on se rend compte que la salle du parc est remplie, 424 places. On se rend compte que des films avec un potentiel commercial plus ou moins identique, si on le sort sur 3-4 semaines avec un certain nombre de séances, on n'arrive même pas à ces 400 places. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un attrait du public pour ce genre de soirée. Et il est clair que c'est pas réservé uniquement à n'importe qui, au Happy Few, comme tu dis, aux initiés. Ça attire un certain nombre de gens. Je veux dire, je vais prendre des étudiants Erasmus ou des étudiants d'une section de l'UNIF. Ben, si un jour leur cercle leur dit, ben, je vais prendre l'exemple de l'Institut des sciences humaines et sociales. On fait une soirée avec eux le 8 novembre autour du dernier film de Lars von Trier, Le Directeur. Ben voilà, j'ai été contacté par Rachel Brahi, qui est assistante là-bas. Elle me dit, est-ce que tu as pas un film qui tourne autour de la problématique du travail en entreprise? Il y avait ce film-là, elle a embrayé. Ben, je suis sûr qu'il y a des étudiants de première année ou même d'autres qui ne sont jamais venus au parc et qui ne connaissent pas, qui vont venir, qui vont découvrir notre travail et qui vont revenir par après. C'est aussi une manière pour nous de construire notre public futur. Et ces événements se multiplient tellement maintenant d'une certaine manière que, comme tu le disais, vous arrivez presque à saturation de capacité. Oui, et puis il y a aussi comme on va ouvrir de nouvelles salles, mm-hmm. il faut aussi qu'on se positionne par rapport aux distributeurs. Donc on est, on est un peu le cul entre les deux chaises. On doit déjà penser à une programmation qui de 8 salles. Non, en n'en ayant que 4. Donc les distributeurs nous imposent un certain nombre de séances. Et donc on essaie pour l'instant de se concentrer sur des animations, sur des films qui sont distribués. Et on essaie de diminuer un maximum les animations sur des documentaires ou des documentaires qui ne sont pas distribués ou des films, des longs-métrages de fiction qui ne sont pas distribués non plus. Mais ça changera. Dans quelques mois, on aura 4 nouvelles salles, et là on va être beaucoup plus souple et on sera demandeur d'autres animations, bien évidemment. J'imagine très bien que créer la programmation d'un cinéma, c'est un véritable exercice d'équilibriste, mais si on se penche sur le nombre de sorties qui est devenu complètement exponentiel ces derniers mois, ces dernières années, j'imagine que votre travail est encore plus compliqué. Ben oui, parce que comme tu le disais, il y a en moyenne 10 films qui sortent par semaine en Belgique. Sur les 10 films, il y a peut-être un ou deux blockbusters. Les majors se sont trouvés un bon équilibre pour ne pas se tirer dans les jambes. Par contre, les 8 autres films, c'est des films à réessayer. C'est pour nous. Et donc, on est obligé de faire des choix, on est obligé de délaguer dans la programmation, sachant aussi que on doit vivre. Donc il y a des films qui sont beaucoup plus porteurs. C'est peut-être pas les films les plus intéressants, c'est peut-être pas les films qui nous plaisent le plus, mais c'est les films qui nous font rentrer de l'argent et qui payent nos salaires. Donc c'est clair que de plus en plus l'équilibre est difficile à trouver. Et je le rappelle, d'autant plus qu'on a ces nouvelles salles-là et qu'il faut qu'on pense à ces salles-là. Quand on aura ces salles-là, on sera déjà un peu plus souple, on pourra mieux exposer certains films qui, pour l'instant, sont peut-être moins bien exposés, sans nous mettre en difficulté financière. Donc, je rappelle pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, on a fait comme si c'était acquis, mais donc, vous allez ouvrir un nouveau complexe de 4 salles, place Xavier Nogent. Je ne sais pas si le cinéma a finalement... Oui, c'est Le Souvenir qui va s'appeler. Le Souvenir, cinéma c'est Souvenir, juste. Ouais. On a échappé au Nogent. On a une forêt, ouais. Et c'est à la fois un exercice qui, j'imagine, c'est un vrai saut dans l'inconnu. C'est carrément entrer dans une nouvelle dimension avec le doublement de vos salles. Mais en même temps, comme tu le disais, d'une certaine manière, ça va vous faciliter la vie. Oui, par rapport au nombre de films qui sortent, par rapport à toutes ces animations, c'est clair que ça va nous faciliter la vie. On va être beaucoup plus souple, on va être beaucoup plus fort aussi dans la négociation avec les distributeurs. On va pouvoir maintenant... Je vais prendre un film assez important que le distributeur nous demande de sortir en 4 semaines en full séance. Donc ça veut dire full séance au minimum 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures minimum. Imagine-toi, en quatre salles, ben pendant quatre semaines, une salle qui est bloquée par rapport à ça. Si, entre-temps, il y a un autre film d'un autre distributeur aussi important qui nous impose aussi ce genre de contrat, ben on ne se retrouve plus qu'avec 50% de capacité de salle. Là, on aura 8 salles. On va pouvoir dire au distributeur, on peut mettre ton film pendant 5-6 semaines, full séance. Et donc, on sera beaucoup plus à l'aise par rapport dans notre négociation avec eux. Faut pas oublier que même si on a un cinéma d'art essai, nos relations avec les distributeurs, ce sont des relations bêtement commerciales. Et il faut qu'on négocie comme un libraire doit négocier le prix d'achat des bouquins, comme à la BAT, il faut négocier aussi pour acheter un kilo de patates. Donc, c'est exactement le même style de négociation. C'est marrant, c'est exactement la réflexion que j'étais en train de me faire. Vous êtes une association sans but lucratif, avec un projet culturel plutôt noble. Et puis, on s'aperçoit que la réalité, c'est, voilà, c'est ces contrats économiques-là qui existent. Ben oui, sans but lucratif, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de l'argent, mais ça, on ne s'enrichit pas, mais il faut quand même qu'on soit à un équilibre et tous les bénéfices qu'on fait sont réinjectés dans l'association. Mais pour l'instant, les Green News, c'est 50 personnes qui travaillent là, pas 50 temps plein, mais 50 personnes. Avec les nouvelles salles, on va doubler notre capacité, on va être 100, donc on va être, je ne vais pas dire une PME parce qu'on n'est pas une entreprise, mais une PMA, petite moyenne association, et ben tout ça, ça demande une gestion au couteau, je vais dire. Il y a des multinationales liégeoises qui n'ont pas 100 employés chez eux sur leur site liégeois. Et est-ce que dans le paysage des salles à réessai, bon, on sait déjà que les Grignoux sont a priori l'acteur du petit monde belge le plus francophone en tout cas. Le plus important, belge, oui, parce que je n'ai pas un côté néerlandophone. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Vous allez rester les premiers, c'est évident, mais symboliquement, est-ce que ça va pas aussi changer quelque chose que quelque part un réseau ARS, parce que les Green News, c'est non seulement des salles, mais c'est aussi quelque part un réseau, puisqu'il y a toutes les actions avec les relations avec les festivals, il y a les sciences pédagogiques, scolaires, ouais. Voilà, il y a écran large sur tableau noir, il y a toute une série d'actions autour. Est-ce que symboliquement, ça va pas changer quelque chose? Je veux dire, vous allez avoir avec 8 salles. Vous avez la même puissance de négociation que Kinépolis sur Liège Centre. Tu te demandes s'ils vont pas passer du côté obscur de la force? Non, pas du tout. Je me dis que peut-être pour les distributeurs, ça va changer quelque chose de voir où quand même ils sont devenus gros là. Ça va. Est-ce que ça va fondamentalement changer quelque chose ou pas? Mais je crois que c'était aussi un début, non? C'était aussi d'atteindre une masse critique pour justement survivre entre des géants comme Kinépolis et UGC. Oui, ça va tout changer. C'est ce que j'ai dit. Je veux dire, la négociation avec les distributeurs va être beaucoup plus simple, de toute façon, parce qu'on va leur offrir plus souvent l'écran. Les distributeurs, c'est ça, ils se battent. Ah, mais tu m'as dit que tu allais me mettre 30 séances, tu n'en as mis que 28. Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que mon film il est pas en première page? Pourquoi est-ce que j'ai pas l'affiche? Pourquoi? C'est tout le temps comme ça. Donc c'est clair qu'avec quatre nouvelles salles, on va être beaucoup plus fort. On va être beaucoup plus fort dans la négociation. C'est clair aussi. Et là, tu parlais de réseau. Nous, on n'est pas le seul réseau qu'on gère entre guillemets. C'est le réseau écran large sur tableau noir, le réseau pédagogique. Il y a un autre réseau, le réseau Diagonal, qui regroupe toutes les salles ARS de communauté française. J'espère que, au-delà des petits problèmes régionalistes qu'il peut y avoir dans ce réseau-là, j'espère aussi que lorsque on aura nos salles et qu'on sera avec nos 8 salles, qu'on sera bien implanté, qu'on puisse donner beaucoup plus de force à ce réseau Diagonal-là par rapport au pouvoir public. Parce que bon, on a l'air d'être comme ça, ils construisent 4 salles, c'est qu'ils ont les reins solides, etc. On n'a jamais les reins solides, comme tu l'as dit. On est un centre culturel, on monte des films à réessai. Je veux dire, si on voulait avoir des films... Pour le financement, par exemple, de l'infrastructure, vous travaillez avec la communauté française. Oui, la communauté française, la région wallonne, l'Union européenne, mais la majorité des salaires, on a ce sont des salaires qui sont aussi subsidiés par la région wallonne. On a des aides de la communauté française en tant que centre d'éducation permanente. Donc, je veux dire, toutes ces aides-là sont nécessaires. On est toujours suspendu à une décision négative d'un politique qui dirait, bah, tiens, non, moi, le cinéma culturel, j'en ai rien à foutre. Ben, les grignoux, ils me font chier. Ben, je leur coupe les vivres. Et alors là, ben, on serait dans la merde. Donc, peut-être bien que avoir ces nouvelles salles-là, par rapport au réseau diagonal, par rapport à notre place, ben, ça donne une crédibilité aussi au cinéma d'art et essai. Trop de gens, parfois, se disent, ouais, le cinéma d'art et essai, c'est des salles pourries, une projection de merde. Et avec nos sous. Et avec nos sous, en plus. Mais c'est ça, en fait. C'est de montrer autre chose, quoi. Ce que tu disais, c'est vrai, Bruno, il y a des aides pour la construction du bâtiment, mais finalement, le bâtiment, c'est pas ça le risque. Le risque, il est structurel, il est dans l'exploitation, dans les frais qu'on engage pour sortir des films, dans les salaires, dans le fait de faire tourner la salle, finalement. En fait, c'était ça, mais l'autre question qui me brûle les lèvres, le revers de la médaille, c'est un risque, doubler sa salle, doubler sa capacité en salle, c'est un risque. Évidemment, bah ouais. Évidemment, enfin, je veux dire, Je veux dire, j'imagine que ça doit stresser pas mal, mais... Non, les nuits ne sont pas trop difficiles, mais c'est vrai qu'on, là, on est... Je ne dis pas qu'on est de réunion en réunion, qu'on va de réunion en réunion, mais depuis l'instant où on a dit on va ouvrir ces nouvelles salles-là, on est en réflexion. On a eu tout un chantier de restructuration parce qu'on s'est dit on ne peut pas fonctionner à 100 comme on fonctionne à 50. Exactement la même réflexion qu'ils ont eue lorsqu'ils ont ouvert le Churchill où ils ont dit on ne peut pas travailler à 30 comme on travaille à 8. Et donc, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on a des réunions de restructuration pour qu'on voit comment on doit travailler. Maintenant, il y a des réflexions sur l'animation. Quelle animation est-ce qu'on va faire? Et des réflexions sur l'animation du cinéma. On aura un jardin dans le cinéma. Comment est-ce qu'on va animer ce cinéma-là? Est-ce qu'on va faire du théâtre de rue? Est-ce qu'on va faire du conte? Est-ce qu'on va faire des concerts en plein air, des projections en plein air? Il y aura une grande brasserie, la même chose. Donc le risque il est énorme parce que si ça ne marche pas, c'est clair que on en fait quoi de ce bâtiment-là? On le ferme et on remet 50 personnes au chômage? Oui, et puis si ça ne marche pas, ça peut potentiellement mettre en péril le reste de la SBL aussi. C'est un risque, ouais. Donc effectivement, c'est pas rien, quoi.